annonce l'espoir de la gloire. L'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Jesus. sofrimento feriu a minha alma, Senhor. Na bruxaria, sem sucesso, nem êxito, abatido Jesus, tu me fortificaste.